5. Dead Son à la prod. Nouvelle donne musique. Cheh cheh. Hey wa. 4-4. C'est l'original, timbre de voix, l'accent reconnaissable au sein d'une mine à faction de clones, tout suspendu au même cadre. Tant de sujets ressassés, tant de propos inconscients, sensés, vont-ils se casser toujours en place. Normal, l'imposteur, il s'usait. Tant de sont morts, formatés à la mort. Tant d'MC consommés, speed, résultat, tous finissent à la mort. Tant de prod, pompés à la race, balancés à l'arrache. Tant de producteurs du moment qui tabassent, tant de mimiques, ça me fout la rage. Meuf qui rappe comme des keufs, chante comme des casseroles. La vie de ma remet rien drôle, c'est juste ma pitié que ça frôle. Tant de jeux drôles, gangster à Pacino comme emblème. Tant de mecs pires dans ce bis qui s'interdisent d'être eux-mêmes. Tant de chroniques chères. Shoot le vrai hip-hop de façon ironique. Tant de magazines promotionnent de la merde pour des histoires de fric. Tant de fric en jeu, de moins en moins de plaisir ressenti. Le tout perverti par les enjeux, le disque d'or de la sortie. Tant de merch qui capte à ce que je raconte. Victime du succès du rap-rap, on est tous dans le même sac, on se fait de compte. P-R-I-N-C-E, Dead Son à l'approche. Cher, cher, cher, cher. Je t'amène de la bonne substance, de la consistance. Cher, cher. Micro, une arme, des mots qui tranchent. Cher, cher, cher. P-R-I-N-C-E, pour du sarsa. Livrer le combat sans abdiquer, 2005, tu peux même. Ch'ta, ch'ta, ta bonne substance, la consistance. Cher, cher. Micro, une arme, des mots qui tranchent. Cher, cher, cher. P-R-I-N-C-E, pour du sarsa. Livrer le combat sans abdiquer, 2005, tu peux même. Reste d'être de noblesse, juste de quoi foudroyer le beat. Hors pair, hors norme, classique, de quoi tutoyer le dit. Fort et fort, rempli d'anthologie, on entretient le mille. Fais zéro aux débutants et puriste, crache à la gueule des biches. Infile tes oreilles de création sans limite, rien que du bon, pète le son jusqu'à. On pétait les vies, j'y tape pétard. Que t'y papa, t'as coupé les vies, ne rate pas ça. MC sur un pied de batterie, numéro d'équilibre. Vibre au son de ma voix, libre, suive ma démo. Hip hop non-stop, des pouilles d'arras comme Dibo. Au micro, j'ai gravé rapé, tu comme slogan, comme logo. Tu veux du pif, ton style pute, tu peux y laisser ta hey, qui c'est ça, prince d'Arabie sur le beat. Tu vas kiffer, te mettre à poil comme une galante devant une boulette de chien. Hey, qui c'est ça, c'est prince d'Arabie sur le beat. À l'écoute de ceci, les petites putes, tape la place. Amène de la bonne substance, la consistance. Cher, cher. Micro, une arme, des mots qui tranchent. Cher, cher, cher. P-R-I-N-C-E, pour du sarsa. Livrer le combat sans abdiquer, 2005, tu peux même. Ch'ta, ch'ta, ta bonne substance, la consistance. Cher, cher. Micro, une arme, des mots qui tranchent. Cher, cher, cher. P-R-I-N-C-E, pour du sarsa. Livrer le combat sans abdiquer, 2005, tu peux même. T'inquiète, on perd pas nord. En micro, pète toujours le score. MC comme passeport, export de la matière première que tu bon rap, riche en phosphore. Sur mon carnet de bord, que de place de tasse mort. Déjà nos arrangés, derrière les portes, les chaînes du mouvement. Sur sample, j'accorde ma voix, grain spécial unique, flow agressif sur fat beat. C'est immédiat, l'état spécial, panique. L'amour d'Azix sans la pas du fric, le pain, trop trop de gars, pro, bête, plutôt le franc. Coup de pute, devient accro. Le rond, amour, plus ou moins niveau genre. Je veux trouver ma place, mais pas sur les trottoirs. Tu pisses comme pute, notoire. Très buvard, je m'habille des dérives d'un milieu de bâtard. Fais des choix, assume les conséquences. Le reste, on verra plus tard. C'est l'heure de l'action, du clash à la confrontation. Distribution par chacun, à l'ancienne, à la passion. Des prémices à la passion. Sans cesse, vrai, sans cesse, en démonstration. À mon art, j'ai voué une vraie dévotion. Je veux de vraies émotions, donc c'est la main sur le cœur. Je viens botter des culs sans rancœur et avec mention. Notion rythmique, hypnotique, percussion d'Afrique. V'là du solide pour partir en trip. Y'a pas besoin de chimie, juste un gimmick classique. Hey, wow. Le public scandrit, mais sans mort. Quand d'autres trou de bac, ça emmerde. J'viens imprimer sa mère. J'ai pris du recul. Écoutez ceux qui spéculent. Tous avant des bêtes, non, excuse-moi, c'est honnêtement, j'suis pas réduit. La bonne substance, la consistance. Cher, cher. Micro, une arme, des mots qui tranchent. Cher, cher, cher. P-R-I-N-C-E, pour du sarsa. Livrer le combat sans abdiquer, 2005, tu peux même. Ch'ta, ch'ta. La bonne substance, la consistance. Cher, cher. Micro, une arme, des mots qui tranchent. Cher, cher, cher. P-R-I-N-C-E, pour du sarsa. Livrer le combat sans abdiquer, 2005, tu peux même. Ch'ta, ch'ta.